Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, le meilleur de Planète Rap 2014. Passez une bonne soirée, c'est le meilleur de la saison 2013-2014. Toute la semaine, entre 20h et 21h en direct, même aujourd'hui en ce 14 juillet. Tout d'abord, merci à vous tous d'être nombreux, de plus en plus nombreux aussi à écouter Planète Rap tous les soirs de la semaine, entre 20 et 21. On va revivre, on va essayer de revivre et surtout rien oublier. Il y a eu tellement de bons moments durant cette saison 2013-2014 avec, attention, j'ai au filet des chiffres. À noter, merci Fab. Les chiffres pour cette saison Planète Rap, c'est 45 projets qu'on a présentés. Plus de 200 artistes qui sont passés au micro de Planète Rap. La découverte d'albums, de sons, plus de 1600 minutes de live exclusif. Donc évidemment, en une semaine, on pourra pas tout repasser. On va essayer de faire un concentré avec un medley, notamment pour débuter tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Et voilà, et merci à vous tous. D'habitude, c'est à la fin qu'on dit ça, mais là, j'ai envie de débuter avec. Merci à vous tous d'être aussi présents. Merci à mes deux fabuleux qui sont là au contrôle. Damien qui a réalisé aussi le medley qu'on va écouter avec Fab, à Sam qui fait les promos et à tous ceux qui bossent autour de Planète Rap et vous tous aussi. C'est important. Et puis cette semaine, avant de partir en vacances, cadeau pour tous les freestylers. On revivra aussi les meilleurs freestylers, ceux qui ont rappé durant cette saison, que vous avez peut-être retrouvé tous les soirs en direct entre 20h et 21h. Ils vont repartir avec des mini iPads à l'occasion de la sortie du film Fast Life. Thomas Njijol qui sera d'ailleurs dans Planète Rap avec Caris demain soir, à pas louper, en direct entre 20 et 21. Le film sort mercredi. Bref, une grosse semaine avant de partir en vacances. Et on débute donc avec le medley Planète Rap de la saison. Et puis juste derrière, Gims qui était venu au mois de décembre pour nous parler de la réédition de son album. Ce sera le live de Zombie. Écoutez. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planète Rap 2014. 3, 2, 1, coup d'envoi pour la nouvelle saison 2013-2014. Grosse semaine, je vous le disais. Stromae à l'honneur, Eminem à l'honneur. Bienvenue, Caris. Il est arrivé, ça y est, il est en France. Merci beaucoup, welcome, bienvenue. Maître Gims est là parmi nous, comment ça va? Ça va. Toute une semaine avec Ice MC. Merci de m'accueillir dans les locaux de Skyrock, Fred. Ce soir, Sultan, comment va? Tranquillement, et toi? Zao est là avec nous. Eh bien, je tiens à dire que je suis très fier de Fred, puisqu'il a taillé la barbe. En direct, Skyrock. Skyrock Radio. Passe un bon été sur Skyrock. Skyrock tonight. Oh, na, na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Keep your hands in the air if you're spending the night. F.A. Babe, Winnie Babe, Cindy et Sultan. On est sur Planète comme Rap. Les chiens de la Planète Rap. Alright. I don't know what it is. I don't know. I said, girl, you got it. Perso, on a seul. Je me battrai dans ma life. Ooh, je me battrai dans ma life. Je me battrai dans ma life. Du perso, on a seul. Baby, what I know tonight. Changé depuis, je vais vous raconter ma life. Commençons par faire du Skyrock flow. Olivia Fiddler, when break it up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me parle. La Planète Rap, c'est la famille. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Crois que je me faire prendre un aller sans pouvoir Vénus. All of me, even when I lose, I'm winning. Could I give you all? Exclusively on Planète Rap. On Planète Rap. Dans ce mini. Ce mini. Ce mini world. Toi tu m'emmènes, je ne sais où. Tu me dis je t'aime un peu partout. Tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Je dis que bien, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis ta vie. Un big up à l'émission de référence Planète Rap. Je suis un zombie. Quatre sous le Barça, devine qui tient le brassard. En lit, c'est des Gaza. Port au prince, Braza. Passe mon jambe, roulez. L'amour au tchétchi. L'amour au tchétchi. L'amour au tchétchi. L'amour au tchétchi. Pour bien la moque, cette société qui nous rend marginal. Pénétration à

ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Je tisse des liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis dans le vide. Les gens me disent, laisse-moi faire vivre. Comment faire vivre? Je suis un zombie. Oh, oh, oh, je suis un zombie. Je suis un zombie. Depuis décembre. Oui, je suis un zombie. Final. Maître Gims. Je suis un zombie. Zombie, zombie, zombie. C'est Planète Rap, les meilleurs moments de cette saison 2013-2014 avec Maître Gims et son morceau Zombie qu'il avait interprété d'ailleurs pour la première fois dans le studio de Planète Rap. Et puis attention, ne loupez pas les vidéos, Momo, on va les remettre en avant. Okay. Toutes les vidéos, parce qu'on va saluer Momo aussi, hein, qui durant toute cette saison a charbonné dans Planète Rap. Bravo Momo. Merci. Avec tous les lives en vidéo, on peut les retrouver sur skyrock.fm, sur le planeterap.skyrock.com, à l'honneur notamment ce live de Maître Gims Zombie. Ce soir au programme, il y aura aussi dans quelques minutes à écouter Soprano qui nous avait inventé un joli mot durant cette saison 2013-2014. On retrouvera donc les psychiatres de la rime avec le visage de la honte. Il y aura du Zao, du Kid Ink aussi ce soir dans l'émission. Kerry James, bref, on revit la saison 2013-2014, une grosse saison dans Planète Rap. Toute la semaine, tous les soirs entre 20 et 21. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planète Rap 2014. Avec la team BS à écouter maintenant, c'est Fierté sur Skyrock dans Planète Rap. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec T.I. et Iggy Azalea. On va reprendre le meilleur de cette saison 2013-2014 dans un instant avec Soprano qui nous a inventé un joli mot durant cette saison 2013-2014. Il y aura un live des psychiatres juste après le visage de la honte. Ça arrive dans un instant. Freestyle par téléphone. Tous les soirs, vous allez partir avec un iPad mini, un mini iPad. Il est pour vous à l'occasion de la sortie du film Fast Life. Film qu'il faudra pas louper. Hein. Il sort mercredi. D'ailleurs, demain, il y a Thomas Njijol qui débarque dans l'émission entre 20 et 21 avec Caris. Ce sera dans Planète Rap puisque Caris joue aussi dans le film Fast Life. Et bien, cette occasion, à l'occasion de la sortie du film mercredi, vous repartez tous les soirs de la semaine avec le mini iPad. Il est pour vous à choper d'ici une petite dizaine de minutes. On revient après ça. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planète Rap 2014. C'est le meilleur de cette saison de Planète Rap avec Soprano qui nous a inventé un mot et puis juste derrière le live des psychiatres de la rime pour le visage de la honte. La phrase la plus importante, c'est la phrase qu'on dit dans le refrain par rapport à une phrase de Laura Luciano quand il fait une dédicace qui dit « Si je fais la fête, c'est que tout va mal dans ma tête. » Ça veut dire tous les jours on sourit, mais souvent c'est pour évacuer quelque chose, tu vois. Donc c'est vrai que ce morceau, il est... mélancolique. Ouais. Cette mélancolie qui s'installe avec ce morceau. Voilà, c'est pour voilà. Mais les deux morceaux qui arrivent, c'est un peu comment on va dire. On va faire notre exécutoire. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est jeudi, c'est calme. Voilà. Exécutoire peut-être. Voilà. J'ai dit quoi? Exécutoire, mais. C'est... Mais avec moi, c'est comme ça tous les jours. Avec moi, c'est comme ça tous les jours. Il faut s'habituer. J'ai rien entendu. Sia, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'exprimer parce qu'on t'entend. Je sais qu'avec Sopra, avec l'expérience, on a comment dire, on a de coupe-feu. Voilà. On devient carrément. On n'entend plus rien. Mais peut-être bientôt dans le dictionnaire d'ailleurs. Hein. Les gars, je vais inventer mon propre dictionnaire. Déjà, les membres de mon groupe, voilà, les fans de ma femme et mes enfants, mes frères et sœurs, ça y est, ils me comprennent. Voilà. Ils savent. Et je crois que mon public aussi, quand tu m'entends en concert des fois. Voilà. Mais bon, l'important c'est de Kerili. Exactement. Voilà. C'est original. Et puis c'est bien. Voilà. Ça y est. C'est quoi? Allez, toi, on te boycotte. Attends, tu parles plus. Excuse-moi, il y a Kaina qui vient de rejoindre le gang des cats. Attends. Il rebondit aussi surtout. Qu'est-ce que vous voulez dire, Kaina? Mais bien sûr, j'ai compris. Mais oui. C'est, mais je sais pas, ils ont envie de discuter, tu vois, philosophie, grammaire, orthographe, tout ça. Merci. Voilà. Ouais, et puis là, c'est bon, on est en vacances. Non, mais, quoi. Non, mais attention. Mais qu'est-ce que t'as, attention, il me dé... Ah, attends, Kaïla. Attends. Tu sais, ils me défendent tout le temps. Qui? Parce que chaque fois, ils sont là. Ils rigolent qu'entre eux. Ouais. Dès que la caméra revient, ils se remettent sérieux. Ça veut dire qu'ils se moquent de moi derrière. Et après, ils te laissent. Jamais. Regarde le sourire malicieux de Sia Style. Ah, j'ai tout compris en le regardant. Tu vois un grand sourire. Tu vois. On forme un bloc, les amis. Voilà. L'argent, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. M-O-H. Mes parents parlent la peine française. Mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. Juste en vise. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. C'est en vise. Et tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Jeune homme. Jeune homme. Plein de rêves. Qu'on achète, qu'on achète. Tu cours devant tes cauchemars. Tu t'essouffles, sors la chance du placard. Sors du gouffre. Hey, jeune entrepreneur. Hey, oui, je fais des mappés. Dis-leur en quel honneur tu me dévisages. Tu veux m'expulser. Hey, on prend le beurre. Oh, on l'a pas volé. Non. Demain, j'épouse la crémière. Hey, ça y est, j'y refais. Certé que la famille. Certé que mon ami. Tu fais des sous. Certé que le OG. T'as ouvert un commerce. Certé que l'économie. Certé que je te revois enfin. Certé que la conduite. Je te sens heureuse. Certé qu'à la mariée. T'as des contractions. Certé que pour le bébé. Sinon, moi, ça va. Dis-moi, certé que je sais. Je passe à la télé en 4D avec la vie. Moi, ma je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Dites-moi. Mes parents parlent un peu français. Mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. Non. En vise haut, le 16 novembre, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, en vise haut, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait. Je suis un ex pauvre, pas un nouveau riche. Oui, je me love. Ich liebe dich. À la ricross. J'ai pris du poids. Ma mère l'a vu, m'a dit Saïd. Alhamdoulilah. Pas de réussite sans sacrifice. D'où je viens, j'oublie pas. Avec mon père, Marianne était servie. Tony Denza. Ils ont prédit ma fin. Les jaloux doivent être Maya. En 2013, je suis encore là. Moi, ma chance, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Dites-moi. Mes parents parlent en plein français. Dites-moi. Mais j'ai été éduqué. Yeah. J'ai pas le visage de la honte. C'est. On vise haut. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. On vise haut. On vise haut. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Révolution de l'eau. Tout le bloc avec mon pote Malo. Malo. Le monde avec des bédos. C'est la chance de ghetto. Ghetto. On se voit la femme et tout le gâteau. Gâteau. Maman nous a bien éduqué. Mais bon, elle était puissée. T'es à moi de prendre le relais. Je me bats pour l'avoir comblé. Mais putain, dis-moi pourquoi me justifier. Yes. Je ne marre de cette mentalité. Yes. La daronne mérite la qualité. Yes. J'étais privé des années pour ce bébé. Rêver de l'avoir loin du ghetto. Oh. J'ai tout à fait, j'ai dû bosser, mais le veto. Oh. Je vais pas te faire un discours de mytho. Yeah. Car on a besoin de faire de l'euro. Vicenzo. Dans les bacs, traverser l'époque. Mais un peu moins que Snoop Dogg. Dans les charts, c'est quoi qui te choque. Notre traversée en pyro. Nous, notre chance. On a provoqué. Ne venez pas nous porter la guerre. 16 novembre au Dôme de Marseille. Venez, venez, venez, venez. L'argent je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Dites-moi. Mes parents parlent à peine français. Mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. Non. On vise haut. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Tout le monde fait. On vise haut. C'est le 16 novembre. Orlando. On vise haut. Quand Terry Lodi est dans les manches, c'est le G. Section d'assaut, JR au chrome. Planète Rap avec les psychiatres. À chaque fois, un grand plaisir de recevoir les psychiatres dans l'émission dans Planète Rap. Le visage de la honte en live à l'instant. Autre grand plaisir dans quelques minutes. Zao, on retrouvera le live de ma meilleure Zao. qui essayait de me faire débuter une carrière de chanteur, que j'ai aussitôt raccroché après avoir fait le live de ma meilleure Bougez pas, c'est dans un instant sur Skyrock. Mais juste avant, je vous le disais, on va aussi retrouver ceux qui nous ont marqué en freestyle par téléphone cette saison, durant cette saison 2013-2014. Ça a été le cas de Marocco 26 qui est souvent venu ici en freestyle. Si, si, ça va très ou quoi? Du côté de Valence, comment ça va Marocco? Ça va tranquille, hein, il fait chaud. Vacances pour toi Marocco? Non, pas tout de suite, pour l'instant là c'est le taf et après on va voir. Après on verra. Bah écoute, moi vacances fin de semaine, ça va faire du bien, un peu de repos avant de rattaquer une nouvelle saison et là on revit les moments, les grands moments de 2013-2014. Ah, et ouais, toi aussi, tu en fais partie Marocco 26. Ah bah ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Allez, on va t'écouter rapper, session freestyle en direct, 20h27, en ce 14 juillet, c'est parti. Ok, Acapella. Fais le M, tu me reconnais. Ça fait wipe wipe bio, Marocco va kicker. Mets-toi sur mon chemin, BDK crew va te balayer. J'avance dans le rap plus que dans la vie. C'est mon choix, la mais ma plume c'est pas nager, c'est noyer. Dans un verre de cheese égaré, ces rappeurs sont tous décalés. Pour le mic, sont que d'aboyer comme des chiens flics. Putain, c'est qui ce type? MRO, CO, BDK, ma clic clic. J'écris ta mère sur la paire de Nike OMC. Bande d'imbéciles, dans le rap je m'épuise. Mais trop de gens me méprisent, reconnaissent pas la bêtise. J'ai le flow, la maîtrise, de mon art, la technique. Comme un gars Houston, c'est oui. La Jeep sur terrain, marocain est fier de l'être. Rien à foutre des cours de lettres, parfois je suis perdu. Mais faut que la meuf du GPS m'a vient. Paquet d'M&M, j'en ai vu toutes les couleurs. J'encaisse les coups, les douleurs, fais gaffe à toi, poteau. Certains amis sont inutiles comme un gars sourd au téléphone. Et dis pas que t'es mon gars sûr, si quand ça se tape, produit d'école. Envoie le son à Capella, j'enchaîne. Je rêve de briser ses chaînes. Je croirai toujours en mes rêves, la concurrence est pas la traîne. Même les manchots font le MA. 2014, je lâche pas. Envoie le mic, j'ai la technique. Tous ces jaloux sont sceptiques. J'ai la plume pied de biche. Mon équipe te sèche, pitch. Trop d'MC Mimi Mati, la concurrence n'est pas de taille. Je kick sale en studio en freestyle. Yeah! À l'instant, Marocco 26 de Valence. Ben, merci à toi, mon pote. D'avoir été bon jusqu'au bout, jusqu'en ce 14 juillet avant de partir en vacances. Merci, Marocco. Bah, merci à vous, hein, merci à vous. Et vous pouvez me retrouver pareil, hein, sur ma page Marocco 26 sur Facebook. Marocco 26. Gros big up à Marocco 26. Et gros big up. Big up à mon gars Mehdi qui nous filme aussi pendant les concerts et tout, à tout mon crew et à tous ceux qui me soutiennent. Et pour toi, le mini iPad pour les vacances à l'occasion de la sortie du film Fast Life qu'il faudra pas louper mercredi, hein, avec Thomas Njijol, avec Carole Rocher, avec Caris. D'ailleurs, ils viendront demain entre 20 et 21 dans Planète Rap. D'accord, bah en tout cas, merci hein, pour la tablette, hein, ça fait super. Et bah voilà, c'est pour toi, mon pote. Ah bah merci hein. Passe une bonne soirée, merci Marocco 26. Allez, bonne soirée à vous. Ciao. Demain, autre freestyler qui nous a marqué durant cette saison 2013-2014. Et là c'est Zao qu'on écoute maintenant. Ça s'est passé durant cette saison 2013-2014. Zao, ma meilleure en live. Ok, c'est parti. Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur. Perdu dans Que je me rappelle quand je remonte en arrière. Moi je travaillais chez bébé le soir, elle était caissière. Je venais la chercher dans ma vieille Seat Ibiza. Je me rappelle qu'on cotisait pour se partager une pizza. J'avais rien dans les poches, on était riches du cœur. Et pour m'acheter des clopes, j'allais gratter mes grandes sœurs. On se retrouvait dans l'arrêt de bus où on parlait des heures. Le soir je rentrais à pied, plus de sens contre l'heure. Je voulais décrocher la lune, t'avais les pieds sur terre. Plein d'une qui voulait juste être mère. On disait je t'aime 300 fois par jour en texto. On dînait aux chandelles avec deux, trois tickets resto. Mes baskets étaient trouées, étaient pilées. Notre histoire était sincère, notre couple était stylé. Encore une nuit blanche à repenser à notre histoire. Ce soir mon cœur bat à Planète Rap. Tout le monde, je ne cesse de croire que ce sera meilleur. Perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir. Non, amour n'est pas peur. Je te mets jamais. Condamnés, on se retrouvera avant la dernière heure. Tout le monde, tu es ma meilleure. Les années passent, mais je garde le meilleur. Tu es message passe et demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Tout ça n'efface, mais je garde le meilleur. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et demain sera meilleur. Et quand la gloire, les euros viennent, les galères s'enchaînent. Et les amis fidèles sont aussi raclés, je t'aime. On roule dans des grosses voitures, on cesse d'investir. On passe devant l'arrêt de bus, mais on n'a plus rien à se dire. Pardonne-moi pour toutes les promesses que je n'ai pas tenues. L'amour a ses raisons, des inconnus. Un jour tu prends la porte, un jour je suis ton amour. Malgré l'orage, les tempêtes, je t'aime comme au premier jour. Tu m'écrivais au placard, tu me répondais rarement. Ou avarice de sentiments, souvent j'ai mal agi, souvent commis des erreurs. Mais je vais recoller les morceaux car vous restez les meilleurs. On avait tout pour être heureux, mais suffit rien pour l'être. Et si l'argent est roi, les sentiments ne sont plus maîtres. Encore une nuit blanche, j'ai repensé à notre histoire. Ce soir mon cœur bat. Perdu dans les brouillards, on ne peut plus se voir. Non, amour n'est pas peur. Je te mets jamais, mon cœur a parlé, mais je n'ai vu le verre. Comme deux condamnés, on se retrouvera avant la dernière heure. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent et je garde le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent, mais demain sera meilleur. Mais je garde le meilleur. Contagieuse, dans les bars. C'est ça, c'est ça au freestyle. J'ai mis sur ton trajet ces quelques mots cachés. Des rayons de soleil qui pourraient remplacer les erreurs de la veille et les regrets du passé. Puis je t'en donnerai assez, assez. Tu es ma meilleure, les orages passent et demain sera meilleur. À tous ceux qui ont une meilleure ou un meilleur, qui pourront lui dire: tu es ma meilleure, tu es ma meilleure, les orages passent et demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent mais je garde le meilleur. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Sauvage passe et contagieuse. Reste. C'est pas moi de le dire. Les orages passent et contagieuse reste. Chanter. Pourquoi tu veux que je massacre tes morceaux à chaque fois? Sera là. La la la la la. Meilleur. Yeah. Ok. Ouais, on a fait chanter Fred aussi, ça c'est. Ouais, ouais, mais c'est bien comme ça, on va arrêter les conneries. C'est vrai que ma carrière a été très rapide sur ce morceau de Zao. Et déjà la fin. Le meilleur, le meilleur, le meilleur de cette saison 2013-2014. À revivre, il y avait Zao à qui on fait un bisou à l'instant sur Skyrock. On continue à découvrir ces grands moments, ces moments d'antenne partagés avec tous les artistes qui passent dans Planète Rap. Là, il y avait Black M qui était là, c'était pour la sortie de son album. C'était la première fois aussi où il allait faire en live Madame Pavoshko. C'était sur Skyrock, dans Planète Rap, entre 20 et 21. Il y avait plein de monde autour de lui. Il y avait Issa Doumbia qui est dans le clip aussi, notamment qu'on salue. Et Kev Adams qu'on avait par téléphone. Kev Adams, tiens, d'ailleurs, dis allô. Allô, allô, allô. Ouais, ça va mon pote ou quoi? Oh le gamin. Tu le reconnais celui-ci? Bien ou quoi mon pote? Tu le reconnais ce guest? Ça va et toi frérot? Ouais ça va tranquille. J'étais obligé de dire un mot dans ton Planète Rap. C'est-à-dire que c'est une question d'obligation tu vois. Kev Adams, qu'on salue, comment ça va Kev? Bah écoute, ça va très très très très bien. J'ai été très honoré de participer à ce clip. On a bien rigolé. Et en plus pour moi c'était une première participation, parce que c'est la première fois que je jouais dans un clip. Donc je suis très très très content d'avoir partagé ça avec mon poteau Black M. Franchement, c'était très très cool. Bah, c'est de la tuerie, je te remercie. Bien tiré, non, on a tout ce qu'il fait. Ça t'a fait rire, le Michael Jacksonage, fait quoi? Le Michael Jacksonage m'a fait rire, le Madonna sur la fin m'a fait rire. Sachez que voilà, j'ai participé à ce clip, évidemment,

l'instant le meilleur moment de cette saison 2013-2014 avec Black M, avec Willax qui était passé aussi, Sadoumbia qu'on avait retrouvé en live sur le Madame Pavoshko dans Planète Rap. Et d'ailleurs, tiens, parmi ces meilleurs moments, il y a Kid Ink aussi qui avait passé carrément une semaine avec nous dans Planète Rap. Kid Ink entre 20h et 21h. Et il connaissait la section d'assaut. Tu connais un peu d'ailleurs le rap français ou pas? I'm learning. Il apprend. Some French rap. C'est en cours. I heard about the guys out here who are number one, who, you know what I'm saying, are a part of the team and everything over at the same, you know what I'm saying, spot. And il a entendu parler de ceux qui sont numéro un en ce moment. I can't get the name. I don't souviens plus du nom. Booba, Rof, Caris. Yeah, the Dessous. Section Dessous. Yeah. That's the only section the word Dessous. I get is the Dessous, voilà, part. S'il se rappelle de Dessous. Part, I get it wrong. Section. One more time for me. So it's the Section d'assaut. Section d'assaut. Section d'assaut. There we go. En début de semaine, il nous a parlé de la section d'assaut, Kid Ink. D'accord. Ça va, il a apprécié. Mmh. Ouais. Il a dit qu'il aimait la section, tout à fait. Mortel. Et... mortel, nous aussi, on écoute Kid Ink. Avant ses albums, on écoutait déjà les petites mixtapes qui balançaient un peu. Avec... stand up and know that you gotta put your panties to the side. And I'ma make you feel alright. Right. Cause I'ma give you what you need. Right. Yeah. Rock with me now. Go. Mommy, you remind me of something. But I don't know what it is. I don't know. You remind me of I said. Said, girl, you gotta show me. On the real, no lie. I don't know what it is, but you just my type. Said everything just right. B said, put it to the left, don't listen to the hype out. Got a cup in your hand, babysitting, but you ain't got no kids. We ain't leaving till it ain't no more left. I can't see no time on the Rolex. Now I could tell you a freak gon' show it. Looking for the after party with a dough at. Dough on the flow like a dough mat. Baby, you know where to throw that. I said, tell him. You remind me of something. I don't know what it is. Said, I don't know. You remind me of I said, girl, you gotta show me. Yeah. Alright. You remind me of something. I don't know what it is. Right now. I don't know. You remind me of I said, girl, you gotta show me. Yeah. Now. Baby, you know what it is. On the real K line, now you just my type. Now you just my, so tell me what your name is. I don't really care who you came with. Unless you got a couple friends look like you. My bad if my ex try to fight you. Roll up soon as I roll in. Security better get with the program. Too deep ain't nowhere to stint. So fly ain't nowhere to land. You remind me of something missing. Misses, you got my full attention. Listen, let go of the tension. If I get a minute, I'll put your bad ass in detention. Put your panties to the side. I'ma make you feel alright. Right. Cause I'ma give you what you need. Yeah. Dance with me now. Mommy, you remind me of something. You remind me. I don't know. Hey, hey, I don't know. You remind me. I said, girl, you gotta. Said, you gotta. Said, alright. But I don't know. I don't know. I said, girl, you gotta. Said, you gotta. Now. On a real K-line, now you just my type. On a real K-line, now you just my type. Oh, baby, show me. Said you gotta show me something. Huh? Tomorrow I might be hungover. But tell him that I don't mean nothing. No, you see? All night long, baby, I've been wrong. Go ahead and show me something. And she gon' let me do it. Baby, let me put your panties to the side. I'ma make you feel alright. Right. Cause I'ma give you what you need. Yeah. Talk now. Tell me. Baby, you remind me of something. But I don't know what. What? I don't know. I said, girl, you gotta show me. Baby, you remind me of something. Friends, but I don't know. Skyrock, you remind me. Les meilleurs moments de Planète Rap avec Kid Ink et Kerry James aussi. 9-4, c'est le Barça. Il y avait LEC4 Dry qui était présent sur ce live. C'est pour les c'est pour les Kaira aussi. C'est pour les Good Boys, c'est pour les Good Boys. 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça. Devine qui tient le Barça. En lit c'est les Gaza. Port-au-Prince Braza. Fin de corps Pibon. Imite-moi Fiston. J'ai ici son piston et 103.57 piton. Passe mon jambe roulette, roulette dans la surface pénètre. Grosse frappe dans les 6 mètres. Punchline dans la lunette. On aime ce qu'il déteste. Il déteste ce qu'on aime mettre. 9-4 3-3 3 balles de mitraillette. 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça. Je ne joue que pour marquer, les jaloux veulent me tacler. Je sais pas si t'as remarqué, mais ton ballon d'or il est claqué. J'ai ton flow il est claqué, même ta vie elle est calquée. Nous on s'est mis à ramper pour le passé, t'es des héros parqués. Ça va, dis-le, prétend, dis-le, grave. Ça raconte que des phares. Ça fait fêler, ouais. Ça rêve de saigner le blague. Mais leur c'est des blagues. Messieurs, prenez garde. Vous êtes roulés, garde. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'est pour les Road Boys. C'est pour les Kaira aussi. C'est pour les Road Boys. C'est pour les Kaira aussi. C'est pour les Road Boys. C'est pour les Kaira aussi. C'est pour les Road Boys. C'est pour les Kaira aussi. 9-4, c'est mental. Ce n'est pas juste un code postal. Demande à Ménès comme c'est brutal. Comme Valdez, faut le parpal. Le respect, il est vital. Le penalty, il est frontal. Les coups francs se tirent en rafale. Il faut du cran comme Abidal. Coup de tête contre Zidane. Haïti contre Zlatan. Transfert contre Banane. Marseille, Paname. Le game est physique. L'arbitre, c'est le légiste. Les tireurs sont d'élite. La mort est subite. Paris, c'est magique. D'ici. Parfois, c'est tragique. Grosse prod inédite. Stanley musique. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'est le remix. Yeah. Monthly. Amo. Deuxième France. Ah. Ok. Ouais. LECK, es-tu prêt? Eh oui. Tu rentres directement après le refrain. Attention. Kaira aussi. C'est pour les Good Boys. C'est pour les Kaira aussi. C'est pour les Good Boys. Ouais, je vais pour les Kaira aussi. C'est pour les. Wesh, Lek. C'est pour les. 9-4. 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est le Barça, 9-4 c'est personne ne bouge, les comptoirs se dévalisent, les capuches serrées, la bicrave pour le ralice, les banquettes, les allers-retours freinent sans valise, faut la mettre en veilleuse et les choix te neutralisent, les assiettes, les perquises, gros c'est le drame, les histoires qui font kiffer Rosenmark, entre nous et eux y'a un fossé, je crois, on se serre la main, mais on s'aime pas, c'est une histoire de S ou de paire de fesses, tu vois que les frères Splon, le respect des anciens vaillants, des R.Y. Kerry James Bond. Fais les cowboys, mais tu peux te courser. Y'a pas de oussa, on veut les oussa. Mais ta robe connaît, Hugo fait les courses. Dans ma tête, y'a le clip pour ça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. S.A.M. Lima. Pull up. Et pour les Kaira aussi, c'est pour les Good Boys. Et pour les Kaira aussi, c'est pour les Good Boys. Okay. C'est pour les okay. S.A.M. des embrons, c'est parti. 9-4, c'est le Barça. S.A.M. Neymar. Rafale de balle en pleine tête, transforme ton foutu goal de merde en passoire. Pas de change d'équipe, passe me voir, je vais t'apprendre à rapper. 9-4, capital du rap, combien de fois je vais rappeler. 9-4, capital du rap, combien de fois je vais rappeler. 9-4, capital du rap, combien de fois je vais rappeler. Cage de banque, plastique, poursuite, voiture puissante. Dex, musique, trafic, Hollande, grossisse, gros chiffre, vol, violent, violence gratuite. Deuxième France, tiens le Uzi. Les cartons sont séries. Ta défense, on te la supe. Sur le terrain, c'est la série. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Woodbine. C'est pour les Kaira aussi. Le 21 novembre en live à Bercy. Écoute ça, c'est pour les Kaira aussi. Des regrets. 9-4, c'est le Barça. Pull up, c'est le Barça. Ah ouais, mon pote, on y va. Pull up. 9-4, c'est le Barça. Yeah. Attention, on est en direct. Planète Rap. 9-4, c'est le Barça, c'est le remix. On est reparti pour un tour. Monsieur LECK. Monsieur SAM. Et attention, en pole position. Maillot jaune arrive. Numéro 10. Il marque des buts. Lock Rider, attention, refrain et monsieur DRY arrive, on y va. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Val-de-Marne, la maillon brassa. Non, chez nous, y'a pas de Larsa. Car qui est sévère, c'est notre assage. Rap sale, car le ghetto m'a mis dans la merde. Très tôt, souvent j'ai dû faire causer les nerfs. Pour les potos, automatique, brolique. Des forailles à bord de l'automatique. Auto, soit sont mes socios pour le bise. Affolant comme Messi, précis. Quand il s'agit de la mettre comme Xavi. Ravi, quand les brings se font ravir. Et tes galons n'empêcheront pas que tu chavires. Chut, KO, frappe de Alves. Le genou à terre, tu m'appelleras son Altesse. Retour à du plomb, si tu charges comme tes vestes. On charge les bas de caisse pour chasser la haine. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Ok, c'est 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'est pas une charmée. 21 novembre, il y a d'une seule date, tu l'as parlé. C'est pour les Woodbine. C'est pour les Kaira aussi. 9-4, c'est le Barça, gros. C'est le Barça. Les meilleurs moments de Planète Rap toute la semaine entre 20 et 21. Kerry James qui était venu pour son Bercy. Bercy est plein à craquer. Gros Bercy pour Kerry James. Et sur le remix de 9-4, c'est le Barça. Il y avait LECK, Dry, Sam de Deuxième France. C'est eux qu'on a retrouvés à l'instant pour finir cette soirée. Et retrouver dans un instant Vincent, les meilleurs moments de la spéciale du 14 juillet avec D-Fool. Ça arrive, mais juste avant, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50€ de bon d'achat avec la CRIM. Ça va bien, Natacha de 3. Salut. Salut Natacha, comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme, les vacances pour toi Natacha ou non, pas encore? Ah non, pas du tout, dans une semaine. Oh là, pas du tout, une semaine encore à tenir. Voilà. Bon bah c'est bon, il y a les meilleurs moments de Planète Rap, il y a le son de Skyrock, il y a D-Fool dans un instant et il y a le petit bout de chou derrière pour te soutenir Natacha. C'est ça. Allez, faites-nous un beau stop. C'est ça. Il entend maman à la radio ou quoi Natacha? Eh ben voilà, 50€ en bon d'achat offert par la CRIM avec le DVD Fiston. C'est pour toi, Natacha. Bah, c'est super, nickel. Ouais, voilà. Je te fais plein de bisous, Natacha. Moi aussi, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Passe une bonne soirée avec Vincent qui est là connecté, Vincent. Ouais, va falloir aller coucher le petit derrière, parce que la spéciale de D-Fool. Il va falloir faire résonner à l'époque, il y avait la sonnerie. Ouais. C'est parti, coup d'envoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce soir en ce 14 juillet, Vincent? Feu d'artifice, on va envoyer du lourd, hein, ouais, dans tous les sens. Des pervers, des clashs de la drague. Cédric in the street aussi, on va l'envoyer dans la rue. Donc voilà, bah, restez avec nous jusqu'à minuit. Grosse spéciale, pour le 14 juillet. Toi, Fred, plein de choses, hein. Demain, le retour. Ouais. Les meilleurs moments de Planète Rap. Thomas N'Gijol qui débarque avec Caris demain soir pour le film Fast Life qui sort mercredi. Donc voilà, loupez pas demain soir et puis toute la semaine entre 20 et 21, un petit peu avant 20h. Ok, ça marche et bon, on sera là. Ciao Vincent, bonne soirée. À plus tard Fred. Coup d'envoi du feu d'artifice, on y va, c'est parti. C'est parti. Nico et Vince, on se les balance tout de suite avec Amlong et puis juste après, c'est parti. Grosse spéciale pour ce 14 juillet. Toute l'année, Skyrock t'a offert.